NHL annual draft. Une générale d'Oshawa, de l'Ingénieur de l'Ontario, from the Oshawa Generals of the OHL, Eric Lindros. Ce que vous venez d'entendre, c'était il y a 30 ans, le 22 juin 1991, probablement la plus grande saga de l'histoire des Nordiques de Québec. Eric Lindros devenait le premier choix au repêchage des Nordiques. Lindros avait averti les Nordiques qu'il ne se présenterait pas à Québec. Ça avait été fait toute une saga. Quoi qu'il en soit, on en parle avec l'ancien directeur des pages sportives au Journal Le Soleil, Maurice Dumas. Bonjour, M. Dumas. Oui, bonjour. Quelle saga, hein? Ça avait été une saga que c'est la première fois que je voyais un joueur être échangé à deux équipes différentes. Ouais, mais ça c'était à la suite de tout ce qui s'était passé. Oui. La suite de tout ce qui s'était passé l'année précédente, parce que puis lorsque vous parlez de saga, oui, mais moi je vous dirais que c'est pas les plus beaux moments de l'histoire des Nordiques, là, parce que ce dossier-là a fait mal à Québec, ce dossier-là a fait mal aux Nordiques aussi, là. Mais moi, là, ce que vous parlez, qui a été échangé à deux équipes, c'est vrai. Mais par contre, je dois vous dire que je me réjouissais de ça parce que, après le repêchage de Lindros par les Nordiques, pendant toute l'année, la Ligue nationale s'est fermé les yeux sur ce qu'on appelle en anglais le tampering. T'as pas le droit de parler. Et puis, il y a plusieurs équipes qui avaient fait des offres au clan Lindros et tout ça, alors que les droits de Lindros appartenaient aux Nordiques. C'était un Nordique qui l'avait repêché. Alors que le Nordique, par la suite, ait fait valser la Ligue nationale, moi, ça ne m'offusque pas du tout. OK. Dis-moi, M. Dumas, rappelons-nous, moi, je me rappelle un an après, avant le repêchage, Eric Lindros avait passé à Radio-Canada. Vous en rappelez, là, ça, la soirée du hockey? Puis on le présentait comme la prochaine grande vedette du hockey. Là. Il était monté en épingle par Don Cherry, je m'en rappelle très bien. Il avait dit qu'il voyait aucun problème. Un an avant le repêchage de jouer à Québec, qu'est-ce qui s'est passé? Mais il avait dit ça, vous me mentionnez, un an avant le repêchage? Un an ou deux avant le repêchage, me semble. Il avait dit oui, mais c'est sûr que c'est ce qu'il disait à cette époque-là. Ouais. Parce qu'un an avant le repêchage, là, ouais, il savait pas que c'est Nordique qui aurait le premier choix, là. Ouais. Alors, il était pas pour commencer à dire qu'il se rapporterait pas à certaines équipes, là. Lorsque ça s'est précisé que les Nordiques termineraient dernier, ben là, ça a changé, là. Mais un an avant, c'est... Nous autres, le Soleil, on avait envoyé des journalistes couvrir pour le suivre partout. Puis, il n'y avait pas d'opposition à venir jouer avec les Nordiques un an avant le repêchage. Ouais. Mais lorsqu'on s'est approché du repêchage et que c'était les Nordiques qui repêchaient les premiers, ah ben là, le discours a changé. Rappelez-vous, mois de novembre, je me rappelle, tu sais, quand on dit tanky, là, pour un terme de sport, pour finir d'un dernier, là, les Nordiques, cette année-là, ça avait été la pire année, je pense, c'était l'année de 31 points. Et au mois de novembre, la vente de feu avait commencé. Je pense qu'il avait envoyé Lucien Deblois, il avait envoyé d'autres joueurs aussi. Vous vous rappelez de ça? Oui, mais les Nordiques avaient envoyé Lucien Deblois, je pense, et le joueur de défense Michel Petit, je pense. À Toronto, pour d'autres joueurs, là. Mais c'était pas quand même, là. Lucien Deblois est en fin de carrière, puis Michel Petit, dans la Ligue nationale, c'est un bon défenseur, mais rien de plus, là. Même le clan Lindros tient encore aujourd'hui, il dit que les Nordiques perdaient intentionnellement depuis plusieurs années pour ramasser premier choix repêchage. C'est totalement faux, ça, là, parce que disons que la dernière année avant le repêchage de Lindros, il peut y avoir eu des soupçons, mais les années antérieures, c'était pas ça. Et puis l'année de 31 points, c'est pas avant le repêchage de Lindros, ça, je pense. En 89, je pense, l'année de Lindros. Ben oui, c'est ça. Alors, c'est 90, pas... je pense. Quelque chose de l'instant. Bon. Alors, c'est pas l'année où qui concernait le repêchage d'Éric Lindros, là. Bon, je vais aller la rechercher l'année, là, mais peu importe, là, mais 31 points, ça n'a rien à part avec Lindros, parce que c'est beaucoup avant, ça, là. OK. Je pense que, si je ne me trompe pas, c'est l'année que Michel Bergeron est revenu à Québec. Oui, c'est cette année-là, exactement. Alors, c'était loin du repêchage de Lindros, là. Oui, c'est ça. Lindros, dans ce temps-là, il ne chicanait pas pour venir à Québec, il chicanait pour aller à Sault-Sainte-Marie. OK. C'est moi qui est dans l'erreur, je viens de sortir la statistique. L'année 89-90, 31 points, ça avait donné, je pense, Owen Nolan. Ou Mats. Oui, c'est ça. Ça, c'est l'année que Michel Bergeron est revenu à Québec. Mais peu importe, quelle est la raison pourquoi Lindros est pas venu à Québec selon vous? Est-ce que c'est Marcel Aubut? Est-ce que c'est le contexte? Est-ce que c'est il voulait jouer dans l'équipe gagnante? Selon vous, qu'est-ce qui a fait en sorte que Lindros n'a pas voulu venir jouer à Québec? Écoutez, évidemment, je pense que le fait français n'a pas aidé, là, mais c'est pas la raison principale. C'est parce que le clan Lindros, eux autres, voyaient Éric Lindros comme le successeur de Wayne Gretzky et Mario Lemieux. On l'appelait, The Next One. The Next One, oui. Bon, alors, eux autres voulaient pas jouer à Québec parce que c'est un petit marché. Et eux autres voulaient aller jouer dans un grand marché où il y aurait beaucoup de retombées économiques pour Éric Lindros. Mm. C'est ça, c'est la principale raison. Et puis, ils auront beau invoquer tout ce qu'ils voudront, là. La principale raison, c'est que pour eux, Québec était un marché trop petit qui ne rapporterait pas assez économiquement pour en retomber publicitaire pour leur fils. Alors, c'est ça la grosse raison. Et c'est sûr qu'ils n'aimaient pas Marcel Aubut, les Lindros, parce qu'ils ont dit à Marcel Aubut, repêchez pas Éric. Puis Marcel Aubut l'a repêché quand même. Alors, il l'aimait pas, là. Puis il a couru bien des histoires là-dessus. Puis moi, je suis pas ici là pour défendre Marcel Aubut, là, avec tout ce qui a entouré la fin des récentes années, là. Il est capable de se défendre tout seul. Pas à moi de faire ça. Sauf que, avez-vous remarqué que les Lindros, à un moment donné, ont identifié Aubut comme la raison principale qu'il venait pas à Québec? Après que Marcel Aubut soit devenu une persona non grata. Avant, il avait jamais il mentionnait pas son nom. Mais lorsqu'Aubut est tombé en disgrâce avec les histoires qu'on a sues, bien là, c'était facile, là. Ouais, effectivement. Je suis parfaitement d'accord. Est-ce que Lindros, admettons qu'Éric Lindros aurait joué à Québec, est-ce que les Nordiques sont encore, on ne saura jamais, mais ils sont encore ici. Ça aurait été peut-être plus facile pour Marcel de trouver du financement. Il était tellement vu gros, Lindros, à l'époque. Oh, mais je pense pas. Écoutez, Lindros, en ne venant pas à Québec, c'est pas lui qui a mis fin aux activités des Nordiques, non, là. Parce que dans la transaction avec Philadelphie, les Nordiques ont obtenu meilleur que lui en Peter Forsberg. Bon, alors, moi, j'ai jamais souscrit à cette théorie-là, là. Et puis, de toute façon, Lindros, écoutez, il a eu une belle carrière, là. Il est au temps de la renommée. Ouais. Ses équipes ont-tu gagné la Coupe Stanley? Non. Bon. Mais... on dira ce qu'on voudra. Lindros était tellement vu gros à l'époque. Il n'a pas fait la carrière qu'on anticipait. Rappelez-vous. Non, il n'a pas fait la carrière qu'on anticipait, mais il faut quand même être honnête. Lorsqu'on analyse ça, il a eu une belle carrière. Oui, une belle carrière. Mais c'est pas. C'était loin de Gretzky et de Lemieux. Non, c'était pas le même joueur. C'était plus style Marc Messier, ce genre. Ah ouais, tu vas voir, puis tu mets pas. Non, c'était pas de ce calibre-là. Là. Ouais. Mais c'est pour ça que je vous dis que même s'il était venu à Québec. Joueur, je vous parle. S'il avait endossé l'uniforme des Nordiques, ça aurait pas changé rien dans l'histoire des Nordiques, je ne pense pas. OK. Quelle transaction, en tout cas? C'est probablement le. Moi, je l'ai dit, dans l'histoire du sport, là, c'est probablement. Les gens disent Wayne Gretzky. Je sais pas si c'est un amateur de la NFL ou Showalker, mais. Celle de Lindros, là, vous l'avez dit tantôt, juste avec Peter Forsberg, les Nordiques ont eu autant, sinon plus. Ah oui, mais moi, je mets plus, là. Mais moi, plus, ça, on va ça dire dépend, plus, là. Oui, mais oui. Ça dépend des évaluations, mais écoutez, ça avait été toute une transaction. Ouais. Puis évidemment, comme on parlait précédemment, il y en a qui avaient trouvé ça bizarre parce qu'il avait été échangé à deux clubs. Et là-dessus, moi, je pense que les Nordiques avaient vraiment bien joué leur carte. Surtout, la Ligue nationale ne les avait pas appuyés dans ce dossier-là parce que il y avait eu du maraudage auprès du clan Lindros pendant toute la saison avant qu'il soit échangé. Et puis, on est allé chercher de bons joueurs. Écoutez, on parle de Forsberg, mais on parle aussi de... Steve Duchesne avait eu. Il y avait eu Steve Duchesne, il y avait eu un premier choix qu'a donné Adam Dinmarsh. Mike Ritchie. Puis il y a deux choix de première ronde, puis 15 millions. Ouais. Et puis avec les Rangers aussi, c'était avantageux. Il y avait John Van Beesbrook dans l'échange, avec Kovalev. Je pense Tony Amonte aussi, hein? Ouais, mais les noms de la transaction avec les Rangers n'ont jamais été confirmés comme ceux de Philadelphie. Bien évidemment, c'est avec Philadelphie que la transaction s'est concrétisée, là. Mais il y avait des bons hommes. Il y avait Amonte, il y avait Kovalev aussi. Oui, Kovalev, Amonte. Le gros joueur du côté des Rangers, c'était Alexis Kovalev. Mm. Parce que Alexis Kovalev, à cette époque-là, c'était gros aussi. Alors, ça a donné, évidemment, ça a remis les Nordiques sans map. Mais puis, finalement, ils sont allés gagner la Coupe au Colorado. Ouais. Dernière question, vous suivez-tu le Canadien un peu? Je suis sûr que le Canadien, c'est toujours surprenant. Hein? Imagine en affaires, quoi qu'il advienne, c'est vraiment le fun. Oui, mais je trouve ça. Je pense que dans la dernière journée, je trouve qu'on on parle rien que des arbitres. On parle pas de hockey, on parle rien que des arbitres. Je pense que le travail des arbitres dans la série canadienne Vegas, on va être honnête, n'a pas été très bon. Là. Mm-hmm. Mais par contre, c'est de même toujours dans les séries éliminatoires. Mm-hmm. On change la façon d'officier les matchs. Puis c'est pas les mêmes normes qu'en saison régulière, là. Mm. On laisse passer des infractions, ça n'a pas de bon sens. Alors, ça donne ce que ça donne. Et puis nous, on le sent plus, là, au Québec, parce que les Canadiens sont là, là. Mm. Et puis les Canadiens sont là, ben disons, les médias le couvrent beaucoup plus. Et puis, ça donne ce que ça donne, là. Un dernier jour, moi, je vous dis, on a parlé plus du travail des arbitres que du travail des équipes, puis moi j'aime mieux parler des joueurs que des arbitres, mais là, les arbitres s'aident pas, là, ça fait que c'est pour ça que tout ce chiolage-là se produit, là. Ouais. Monsieur Dumas, très intéressant, en tout cas, c'est un anniversaire qui est à part Stéphane Cadorette, il n'y a pas grand monde qui l'a souligné, mais c'est important, pareil, c'est l'histoire des Nordiques de Québec. Oui, c'est ça, mais par contre, moi je vous dis que c'est, moi évidemment, ça a été tellement négatif, là. T'sais, on parle des belles histoires des Nordiques, là. Moi, je peux vous dire que dans ma vie de journaliste, puis je dois vous dire aussi dans mon cœur, j'aime bien mieux des histoires comme les statistiques. Mais ça a donné... Oui, mais ça a donné toute qu'une équipe, pareil. Ça a donné toute une transaction à la fin. Écoute, quand tu regardes ça, là, c'est sûr, là, mais... C'est quand même, il ne faut pas oublier une chose. Cette histoire-là, là, ça n'a pas aidé Québec, celle-là, là. Ça n'a pas été bon pour Québec, là, je veux dire. Moi, je me souviens, et puis je peux vous raconter l'anecdote. Mm-hmm. J'avais eu une méchante prise de bec, moi, avec Bob McKenzie de TSN. Ben, c'était l'idole du Canada anglais, Clintos. Bon, ben, c'est ça. Puis j'avais eu un échange assez orageux avec Bob McKenzie. Mm-hmm. Et puis moi, je lui avais tout simplement dit, quand Mario Lemieux a refusé d'endosser, de porter le chandail des pingouins de Pittsburgh. Vous l'avez ramassé, vous l'avez planté, il n'y a rien que vous n'avez pas fait. Là, Lindros fait la même chose, puis c'est correct, lui. Mm. Ah non, ça avait été assez... Non, ça avait été politique. Il y a quelqu'un chez les médias sociaux qui m'a dit qu'il était dans l'Ouest à l'époque, puis le Canada anglais, écoute, c'était devenu... Les chroniqueurs dans l'Ouest du pays, ils déblatéraient comme Marcel, puis comme Pierre Pagé, puis avec... Donc, c'était devenu une histoire Canada-Anglais un petit peu contre le Québec. Oui, c'est pour ça que je vous dis, moi, je trouve que, évidemment, c'est un anniversaire, là, mais moi, c'est un anniversaire qui ne me fait pas triper parce que je trouve que ça n'a pas été des beaux moments dans l'histoire des Nordiques. Ouais, ouais. Et c'est pour ça que je vous mentionnais que j'aimais bien mieux l'histoire des Stachny que ça. Ah, okay. Ouais. Monsieur Dumas, gros merci, on va se reparler un autre tantôt. OK, bonne journée. L'ancien directeur des pages sportives du Journal Le Soleil, Maurice Dumas.